de France Culture. C'est sur la mimésis, ou plus exactement sur le désir mimétique, que s'est bâtie la théorie anthropologique de la violence et du religieux de René Girard. Une théorie qu'il a pour la première fois exposée dans « La violence et le sacré » paru en 1972 et approfondie, élargie dans « Des choses cachées depuis la fondation du monde » publié en 1978. Dans le sixième des neuf entretiens que proposaient les chemins de la connaissance autour des choses cachées depuis la fondation du monde, peu après sa publication, Roland Hoguet interrogeait René Girard sur les convergences et surtout les divergences entre ce que lui-même théorisait des rapports humains et les théories de Freud. Une émission dans laquelle, en s'arrêtant sur le complexe d'Œdipe, le masochisme et le narcissisme, René Girard expliquait pourquoi les travaux de Freud, ignorant le caractère mimétique du désir, étaient selon lui tout à la fois une aide et un obstacle à la compréhension de la relation entre les êtres. Les chemins de la connaissance, René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde, sixième des neuf entretiens, Au-delà de Freud, diffusé le 26 décembre 1978 sur France Culture. René Girard, votre système de pensée entretient avec celui de Freud et avec le freudisme des rapports complexes que nous avons eu déjà l'occasion d'évoquer un jour. Je voudrais aujourd'hui revenir sur ce point pour préciser des analogies et des différences. Et malgré tout, si j'ai bien compris, ce qui domine chez vous vis-à-vis de Freud, c'est l'attitude critique. Je crois que Freud a inventé le complexe d'Œdipe parce qu'il n'a jamais réussi à comprendre que le désir était mimétique. Et il n'a jamais réussi à le comprendre car il a toujours pensé que le désir avait un objet privilégié. Cet objet privilégié étant la mère. Freud, au fond, appartient au grand mouvement individualiste du 19e siècle. Et lorsqu'il vous dit... Ce que vous désirez essentiellement, c'est votre mère, c'est-à-dire celle qui a fait de vous, d'une certaine façon, ce que vous êtes le plus profondément, non seulement physiologiquement, mais culturellement, n'est-ce pas, votre éducatrice par excellence. Il dit tantôt la mère et il dit tantôt la femme qui a pris soin de vous dans votre enfance. Freud dit que le désir est ce qu'il y a de plus essentiellement nôtre, de ce que nous avons qui nous appartient en propre. S'il y a un propre de l'homme... C'est le désir, n'est-ce pas? À mon avis, c'est entièrement faux. Le désir apparaît forcément aux hommes comme ce qui leur est le plus propre. Mais c'est ce qu'il y a de plus faux, c'est ne pas voir justement ce caractère imité du désir. Moi, je définirais l'homme au contraire comme l'animal qui ne sait pas que désirer. Et ne sachant pas que désirer, se confie toujours à l'autre, n'importe quel autre, et pas forcément toujours son père, pour... choisir l'objet de son désir. Alors qu'avez-vous dans le complexe d'Œdipe? Puisque l'objet est déjà déterminé, est toujours déterminé d'avance, puisque c'est toujours la mère, Freud voit très bien qu'il y a des interférences de rivalité dans le désir. Il n'a pas pensé le complexe d'Œdipe à partir de l'enfance. Il a pensé à partir de ces situations de rivalité de l'âge adulte, par exemple constater le fait que certains hommes, peut-être la plupart des hommes, ne sont jamais amoureux que lorsqu'ils ont un rival, n'est-ce pas? Et que parfois la présence du rival ou la possibilité d'un rival suffit à déclencher le désir pour un objet sexuel. Et Freud a cherché à expliquer ceci en conjonction avec le désir pour la mère. Il a cherché, au fond, avec toute la pensée occidentale, un archétype de ce triangle de la rivalité. Et à partir du moment où on cherche un archétype, et où on n'est pas vraiment platonicien, parce que c'est le geste platonicien par excellence que de chercher à expliquer les phénomènes de l'existence quotidienne à partir d'un archétype. À partir de ce moment-là, il est bien évident que le seul archétype possible, c'est l'archétype familial. Lui seul a la solidité sociologique, un mode d'existence qui permet de s'accrocher à lui et de dire « Ah oui, on doit tenir là dans les rapports entre le père, la mère et l'enfant ». Le véritable modèle de tous ces triangles de désir que nous retrouvons ensuite dans l'âge adulte. Mais alors, ce qui me paraît non fonctionnel dans le système oedipien, c'est le père, parce que le père est un rival sans être modèle. Ce que Freud ne peut jamais arriver à expliquer, n'est-ce pas, c'est que la rivalité avec le rival mimétique, qui serait selon lui un substitut de père, cette rivalité peut prendre une importance toujours plus grande dans les désirs concrets, dans les triangles qui fonctionnent dans la réalité quotidienne, enfin qui construisent nos rapports, qui structurent nos rapports avec autrui. C'est pourquoi il s'est vu obligé, parce que c'était malgré tout un grand observateur, à distinguer deux types de formations oedipiennes. Un type normal, dans lequel le désir pour l'objet sexuel, qui serait toujours un substitut de mère, reste essentiel, et dans lequel la rivalité avec le substitut de père resterait secondaire, et un type anormal où le rival étant très très important, Freud se voit obligé de parler d'homosexualité latente, car il voit que la tension tend à se détourner de l'objet sexuel originel, l'objet hétérosexuel, si vous voulez, pour s'orienter vers le rival hétérosexuel, homosexuel. Et alors là, Freud nous dit, il doit exister un autre type de complexe d'Œdipe dans lequel, dès la petite enfance, les rapports avec le père contiennent un élément homosexuel, où le fils veut être l'objet d'un amour homosexuel de la part du père. Nous avons donc, si vous voulez, ces deux types de complexes d'Œdipe chez Freud qui me paraissent très peu fonctionnels, dans la mesure où dans le premier, la rivalité avec le père tient simplement au fait de sa présence, et l'ambivalence vis-à-vis du rival est liée à ce que Freud appelle l'affection normale du fils pour le père dans la famille bourgeoise, etc. Et un second type dans lequel le père se trouve subitement dans une position d'amant homosexuel. Si on accepte le modèle mimétique, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus fonctionnel parce qu'on tient un modèle dynamique. Plus le choix de l'objet désiré est déterminé par le rival, plus le rival s'oppose à notre mouvement vers cet objet, plus nous tendons à désirer cet objet passionnément, mais l'exaspération même de ceci fait que le rival devient de plus en plus obsédant et il y a tendance à se mouvoir vers le rival. Je ne refuse pas du tout la tendance à l'homosexualité de cette relation, mais je pense qu'il faut subordonner le caractère proprement sexuel au jeu mimétique. L'exaspération du jeu mimétique fait que le rival prend une importance toujours plus grande. Il n'y a donc aucune différenciation véritable entre ce que Freud appelle Œdipe normal et Œdipe anormal. Il y a seulement un jeu mimétique qui tend à s'exaspérer de plus en plus et qui doit aboutir à des formes de rivalité tout à fait obsédantes et à l'homosexualité proprement dite, au moment où le rival, qui est à la fois modèle et obstacle, prend complètement le pas sur l'objet et l'objet tend à tomber. Alors j'ai l'impression ici, si vous voulez, que le modèle mimétique fournit une approche beaucoup plus simple et beaucoup plus dynamique que le complexe d'Œdipe. L'intérêt de la chose, évidemment, est qu'en même temps, elle permet de comprendre tous les termes que Freud est obligé de mêler à ses analyses œdipiennes. Par exemple, il parle de jalousie pathologique, d'envie maladive. Mais la jalousie pathologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne désirons jamais une femme sans rival. Mais pour expliquer pourquoi nous désirons une femme sans rival, comment expliquer la naissance de ce triangle à partir du complexe d'Œdipe. Est-ce que les hommes choisissent vraiment un substitut de mère et est-ce qu'ils réussissent à faire du rival en même temps un substitut de père? Comment concevoir cette formation triangulaire? Le seul moyen de la concevoir, c'est de dire que nous choisissons le désir de l'autre, que le désir de l'autre, le désir du rival préexiste pour l'objet et que nous ne choisissons cet objet qu'à cause du désir de ce rival. Autrement dit, à partir du moment où nous décidons que le désir n'est jamais que le désir de l'autre, la formation triangulaire devient évidente, inévitable, nécessaire. Vous remettez également en cause la notion de masochisme. Je remets en cause la notion de masochisme parce qu'il me semble que le mot masochisme, qui a passé dans la langue ordinaire, est d'une obscurité totale. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça veut dire, masochisme ? C'est celui qui désire la souffrance. En réalité, je crois, nous n'avons rien de tel. Si nous regardons précisément ce qui se passe dans les formations mimétiques dont je parle, pourquoi désirons-nous l'objet de l'autre ? Parce que nous avons l'impression que l'autre, littéralement, choisit mieux l'objet de son désir et que l'autre forme avec l'objet de son désir une totalité autonome supérieure à ce que nous sommes nous-mêmes et nous voulons lui arracher son objet pour devenir ce qu'il représente pour nous à partir du moment où nous sommes obsédés par lui en tant que rival, en tant qu'il s'oppose à nous. C'est-à-dire que chaque fois que nous désirerons, nous nous porterons vers le rival le plus heureux. Par exemple, pour prendre un exemple très facile mais très compréhensible, nous voyons très bien que certains hommes choisissent toujours les femmes les plus désirées par les autres. Les plus désirées par qui ? Par le modèle donjuanesque. Désirer la femme du Don Juan le plus heureux, c'est vouloir être ce Don Juan. Mais c'est de toute évidence se vouer à l'échec. Et nous avons des textes littéraires qui nous montrent ça de la façon la plus comique et la plus tragique à la fois, comme l'éternel mari de Dostoïevski. Être masochiste, au fond, c'est pas du tout désirer la souffrance, mais c'est désirer littéralement le succès et le bonheur de l'autre. Alors, on peut m'objecter ici, mais il y a quand même un autre type de masochisme. Il y a ce masochisme théâtral, sexuel, si vous voulez, où il y a mise en scène de la souffrance, les fouets, les bottes, etc., tout ceci. Bien entendu, la notion de masochisme se fabrique à partir de ce que j'appellerais, de ce que Freud lui-même appelle masochisme secondaire. Je pense alors que le personnage qui est livré au désir mimétique en arrive au point où l'échec étant devenu si habituel, il ne peut plus connaître le plaisir qu'en reconstituant les conditions de cet échec. Mais il reconstitue ses conditions pour retrouver autour de lui, si vous voulez, cette statue prodigieuse du succès qui est son modèle, n'est-ce pas ? Par conséquent, une fois de plus, même dans le masochisme au sens le plus théâtral du terme, à mon avis, c'est toujours le succès, c'est toujours en raison dernière le succès qui est là. Parler de masochisme, au fond, c'est essayer de ne pas comprendre l'autre. N'est-ce pas ? Nous ne voulons jamais la souffrance, le malheur, etc. Mais en regardant l'autre, nous disons, regardez-le, ce qu'il cherche très directement, c'est la souffrance, le malheur, etc. C'est-à-dire, nous ne voulons pas comprendre que peut-être nous faisons la même chose dans nos désirs et que les autres peut-être voient un masochisme en nous que nous ne voyons jamais. Car c'est, nous aussi, le succès de l'autre qui nous intéresse et les gestes par lesquels nous essayons d'approcher le succès de l'autre impliquent presque toujours notre échec. Il y a aussi une autre notion de Freud que j'essaie de remettre en cause, qui est celle d'un narcissisme. Dans le narcissisme, il parle toujours d'un désir qui se retourne, au fond, vers le sujet. Serait narcissiste celui qui ne désire pas objectalement, qui ne désire pas l'autre, mais qui tend à se désirer lui-même. Ou s'il désire objectalement, il désire trouver dans l'autre un reflet de lui-même. Il me semble que là, Freud, lorsqu'il crée cette notion de narcissisme, qui a eu, comme vous le savez, un succès absolument prodigieux, est d'une certaine façon la victime de son propre désir. Cela paraît évidemment extrêmement arrogant que d'affirmer ceci directement, mais si on regarde les textes de Freud sur le narcissisme, les premiers textes, en particulier l'introduction au narcissisme, Freud nous dit, de façon très caractéristique et très intéressante, que l'être qui désire objectalement a renoncé lui-même à une partie de son narcissisme. Le narcissisme étant au fond la même chose que la conscience de soi, l'amour de soi qui serait naturel à tous les hommes. Et celui qui désire objectalement s'appauvrit en renonçant à une partie de son être, n'est-ce pas, pour désirer l'autre. Alors que le narcissisme serait celui qui retient tout en lui-même et qui s'enrichit toujours, même dans le désir de l'autre, celui qui polarise les désirs des autres. Et alors la question que je me pose ici, c'est qu'est-ce que désirer ? Désirer, c'est désirer le succès de l'autre. C'est désirer l'impression d'autonomie superbe, de totalité autosuffisante que nous donne l'autre en possession de ces objets. C'est-à-dire que l'être qui désire voit toujours l'autre comme un narcissiste. N'est-ce pas ? Désirer, c'est essentiellement désirer ce que Freud appelle le narcissisme de l'autre. Et la plupart des rencontres avec autrui de nos jours peut-être se situent au niveau d'une lutte stratégique où chacun essaie de donner à l'autre une impression d'autonomie. Et celui qui donne la plus grande impression d'autonomie n'a pas à désirer et se trouve en position, si vous voulez, ce qui est d'abord stratégie devient la vérité très vite du rapport. Mais pour des raisons qui tiennent exclusivement à la façon dont le duel s'est amorcé, n'est-ce pas ? Et Freud ne réussit pas, si vous voulez, à retrouver cet élément de stratégie dans les rapports humains, qui est peut-être beaucoup plus apparent dans notre univers, pour des raisons aussi historiques qui tiennent au fait que Freud vivait dans une société plus stable encore que la nôtre, n'est-ce pas ? Si les notions freudiennes sont insuffisantes, si ce n'est fausse, pourquoi leur succès dans le monde contemporain ? Je dois reconnaître peut-être d'abord que, à mon avis, beaucoup de notions freudiennes font avancer les choses, qu'il y a chez Freud des aspects d'observation qui sont très importants. D'autre part, Freud est peut-être le premier auteur littéraire qui réussisse à théoriser certains rapports humains. Il le dit lui-même. Je parle et j'essaie d'interpréter systématiquement des rapports qui, jusqu'à moi, ont été réservés aux grands écrivains. Je crois qu'il dit là quelque chose de tout à fait essentiel. Mais alors, peut-être n'a-t-il pas réussi à interpréter ces rapports de façon aussi parfaite que nous le croyons. Mais dans la mesure où il nous fournit un vocabulaire, dans la mesure où, au fond, il n'y a pas d'autre vocabulaire que le vocabulaire freudien pour ces rapports triangulaires, nous avons tendance à lire les textes littéraires à partir de Freud et à ne pas laisser parler les textes littéraires les plus grands. Je suis persuadé et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de textes littéraires qui parlent à un niveau beaucoup plus bas que Freud. Mais je pense aussi qu'il y a quelques textes littéraires qui se situent à un niveau plus radical que celui de Freud, à un niveau qui dépasse les notions freudiennes de narcissisme, de complexe d'Œdipe et qui atteignent le jeu mimétique à son niveau de radicalisme le plus grand. Freud est à la fois une aide pour nous et parce qu'il est une aide, il nous arrête. Il est aussi le plus grand obstacle, n'est-ce pas ? Il nous empêche d'aller au-delà de lui. Je pense donc qu'il est urgent à la fois de reconnaître la place très importante qu'a Freud dans la psychologie contemporaine et de dépasser, de radicaliser certaines de ses notions pour aller vers des choses plus efficaces. Je pense que la psychanalyse contemporaine, bien souvent, a raffiné sur les notions freudiennes, a fait de la préciosité et a rendu Freud plutôt encore moins fonctionnel qu'il n'est plutôt que plus. S'est amusé à des jeux ultra littéraire, extrêmement raffiné, extrêmement sophistiqué, mais qui, sur le plan des rapports humains, ne sont pas très éclairants. C'était Au-delà de Freud, le sixième des 9 volets de la série de Chemin de la connaissance que Roland Auguet consacrait au livre de René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Première diffusion le 26 décembre 1978 sur France Culture. À suivre.